non prend le temps. Arrête de t'affoler, cette mélodie de sgeg, tu vas la fredonner. En brouillant des boules, y'a air, arrête de faire tes manières. J'tire en l'air en roue arrière, j'arrive à cash à Ryanair. Et quand tes boules sont très arrière, oh mon dieu, la vie de ma mère. J'ai la maladie Parkinson, je ne calcule plus personne. Rafale dans les amygdales, on va te faire danser le mambo.